terre et les vapeurs de sang. Au premier cri résonné, dans un tunnel à peine éclairé, naîtrait mourir à sens unique, entre les barrières du périphérique. Du périphérique. Dans cet instant, je vous serre les liens avec ce décor qui m'appartient. Naître et mourir à sens unique, entre les barrières du périphérique. Pendant les grands soirs de transe, la vitesse des règles m'essence. Ma cervelle disparut.